Cantique chapitre 4. Te voilà belle, ma grande amie, te voilà belle, tes yeux sont comme ceux des colombes entre tes tresses, tes cheveux sont comme le poids d'un troupeau de chèvres lesquelles ont ton, lorsqu'elles sont descendues de la montagne de Galaar. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues, qui remontent du lavoir, et qui sont toutes deux à deux, et il n'y en a pas une qui manque. Tes lèvres sont comme un filetin en écarlate, ton parler est gracieux, ta tempe est comme une pièce de pomme de grenade dedans de tes tresses. Ton cou est comme la tour de David, bâtie à créneaux, à laquelle pendent 1000 boucliers, et toutes les targes des vaillants hommes. Tes deux mamelles sont comme deux fans jumeaux d'une chevrette, qui pèse parmi le muguet. Avant que le vent du jour souffle, et que les ombres s'enfuient, je m'en irai à la montagne de Myre, et au coteau d'encens. Tu es toute belle, ma grande amie, et il n'y a point de tache en toi. Viens du Liban avec moi, mon épouse, viens du Liban avec moi, regarde du sommet d'Amana, du sommet de Senir et d'Hermon, des repères des lions, et des montagnes des léopards. Tu m'as ravi le cœur, ma sœur, mon épouse, tu m'as ravi le cœur, par l'un de tes yeux, et par l'un des colliers de ton cou. Combien sont belles tes amours, ma sœur, mon épouse, combien sont tes amours meilleurs que le vin, et l'odeur de tes parfums plus qu'aucune drogue aromatique. Tes lèvres, mon épouse, distillent des rayons de miel, le miel et le lait sont sous ta langue, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Ma sœur, mon épouse, tu es un jardin clos, une source close, et une fontaine cachetée. Tes rejetons sont un parc de grenadiers, avec des fruits délicieux, de troène, avec l'aspic. L'aspic et le safran, la canodorie ferrante et le cinnamome, avec tout arbre d'encens, la myrrhe et l'aloès, avec toutes les principales drogues aromatiques. Aux fontaines des jardins, aux puits d'eau vive, et ruisseaux coulants du Liban. Lève-toi, bise et viens, vent du midi, souffle dans mon jardin, afin que ces drogues aromatiques distillent. Que mon bien-aimé vienne en son jardin, et qu'il mange de ses fruits délicieux.